Archi Radio, la radio du festival Archipel, en direct, de 10h à midi, sur archipel.org. Seconde pour avoir le OK de la radio. Bravo. Denis, dit quelque chose. Ah oui, volontiers. De quoi c'est bon. Ah oui, je vois déjà ça. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes lundi. Le Festival Archipel rentre voilà, dans cette intense semaine de concerts, événements liés aux arts sonores dans toutes leurs formes. Et pour ce premier événement, il est midi, nous sommes dans le salon d'écoute, derrière la table de mixage Thierry Simonon et Olga Dobcharova. Et puis autour, dans la salle, tous les professeurs de la Haute École de Musique et les étudiants qui ont participé à une expérimentation de l'acousmonium. Et ce moment va être l'occasion d'entendre leurs œuvres qu'ils ont travaillées. Je vais tout de suite donner la parole à Louis Naon qui va nous expliquer un peu ce qu'ils ont fait et puis un petit peu le déroulement de ce moment. Merci Denis. Bonjour à toutes et à tous. La classe de composition de la HEM de Genève comporte une partie importante du travail du son, du travail électroacoustique, de l'informatique musicale, de la musique mixte. Et comme préalable à tout ce travail, nous faisons un focus très important sur la musique acousmatique. En fait, cette forme-là, dont l'acousmonium est l'instrument de prédilection. Et donc nous préparons des premières prises de son, tout un travail de montage, transformation du son, mixage, toutes les idées nouvelles que les compositeurs apportent dans leur formation pour en faire une pièce qui est parfois de plus ou moins longue durée. Il se trouve que les pièces d'aujourd'hui sont toutes à peu près entre 4 et 6 minutes, 6 minutes 30. Et donc c'est pour la plupart, c'est un premier ou deuxième travail de composition de ce type. Et donc nous nous réjouissons de pouvoir les donner dans un contexte aussi beau que l'acousmonium que vous présentez au Festival Archipel. Donc il y a, enfin, je dis juste le nom de la première pièce. La première pièce, malheureusement, le compositeur étant aussi guitariste et dans un concours international de guitare, ne pouvait pas être là, n'a pu être là aujourd'hui. Donc c'est moi qui vais diffuser sa pièce, qui est une pièce basée sur un cyclone. Lui, il est originaire de La Réunion. Et ce cyclone s'appelle Bejissa et c'est le titre de la pièce qui est purement électroacoustique, donc acousmatique. J'allais juste poser une petite question. Ces œuvres qu'on va entendre ont été développées sur deux canaux stéréo ou bien on a utilisé du multicanal ? Les pièces sont en stéréo, effectivement. Donc, évidemment, il y a parfois un travail de superposition d'énormément de pistes pour faire le travail de façonnage du matériau électroacoustique. Mais le résultat final, et nous avons fait ce focus, surtout sachant que nous allions diffuser ici, se focus sur de la stéréo pour pouvoir faire un travail ultérieur d'interprétation du son dans l'acousmonium. D'accord. Donc, est-ce qu'on y va ? On y va. Super. Donc, je rappelle, pendant que tu rejoins la table de mixage, que l'acousmonium, c'est un système de haut-parleurs disposé dans tout l'espace. Il y en a des dizaines. Et donc, à partir de ce fichier stéréo, une musique enregistrée voilà, sur deux pistes qu'on peut écouter chez soi sur deux haut-parleurs, on l'écoute ici sur une énorme quantité de haut-parleurs qui sont devant, dessus, autour, derrière, dessous, absolument partout. Voilà. Bon concert. Thank you. Bien. Archibo. Archiradio. Archidou. Archicool. La radio du festival Archipel. Archichouette. En direct. De 10h à midi. Archinul. Sur Archipel. Archifort. Archigrand.org. Hello. Hey, hey, hey. Yes. Hello to everyone. I did a piece about a common sound that we can listen in our routine, and I want to desire to you that you enjoy a lot and find something interesting in my exploration. And this is everything. Enjoy it. Thank you. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc la pièce que vous allez entendre maintenant, L'ombre de Ganymède, non pas en référence au personnage mythologique, mais en référence au satellite de Jupiter, qui en passant devant Jupiter laisse son ombre occasionnellement devant Jupiter, qui est visible de temps en temps depuis la Terre. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était le 25 février 2022. Et donc la pièce ayant été créée le 18 février, c'est quasiment une pièce anniversaire, à une semaine près. Bonjour, et je m'appelle Roman, et vous allez écouter Hyperacusia 1. Et c'est une pièce auquel j'ai travaillé avec des paysages sonores, que c'est un topic qui m'intéresse depuis quelques temps déjà. Et je ne sais pas si c'est une composition ou plutôt une décomposition du paysage. Et alors, j'espère que vous aimez bien. Thank you. Archi Radio, la radio du festival Archipel, en direct de 10h à midi sur archipel.org.